sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. La terre et les cieux passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes enfants. Tu réussiras. Je crois de tout mon cœur. Tu es le chemin. Jésus, tu es la vie. La vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Lilobanopolenangai.